Chapitre 2e. Il est aisé de concevoir que dans une ville en état de siège, enveloppée d'un double réseau de troupes espagnoles et autrichiennes qui se livraient, à quelques lieues dans la plaine et dans les montagnes, des combats meurtriers, il y avait toute impossibilité d'entrer incognito et d'y vivre inconnu, surtout lorsque, comme le vieillard et la jeune femme, on traversait les lignes ennemies, on franchissait les portes dans un somptueux équipage flanqué de plusieurs domestiques. Le jour même de leur arrivée, le gouverneur avait donc appris par le rapport du commandant de la citadelle que M. le marquis de Lignières, sujet de Sa Majesté le roi de France, avait pénétré dans Parme accompagné de sa fille et était descendu à l'hôtel de Toscane sur la place principale. Les papiers des deux voyageurs et de leur suite étaient parfaitement en règle. Le gouverneur fut surpris, au bout de plusieurs jours, de ce que le marquis n'était pas venu lui rendre visite, ainsi qu'il était d'usage chez les personnes étrangères de haute distinction lorsqu'elles se fixaient pour quelque temps dans une ville. Ce gouverneur, qu'on nommait le duc de Nidau, était un homme d'environ 40 ans, investi d'une autorité absolue, car le conseil n'agissait que sous son influence et d'après son bon plaisir. Il régnait en tyran sur l'état dont le sort se trouvait remis entre ses mains. Il était veuf depuis quelques années. On prétendait que sa femme avait succombé au chagrin profond que lui inspirait la conduite scandaleuse de son mari. En effet, adonné au plaisir, il employait le temps qu'il ne donnait pas aux affaires en aventures galantes. Il avait porté le désordre dans plusieurs familles, ce qui n'avait pas peu contribué à alimenter les ferments de haine qui couvaient parmi la population. Un matin qu'il revenait de visiter les travaux des fortifications, le duc de Nidau vit à l'une des fenêtres de l'hôtel de Toscane une adorable jeune fille qui regardait soucieusement passer la foule. Cette beauté noble et fière le frappa. Il voulut savoir quelle était cette femme et envoya un de ses pages s'enquérir auprès du maître de l'hôtel du nom de sa locataire. Il apprit qu'elle se nommait Mademoiselle Ursule de Lignières. Le même soir, il y avait soirée au palais du gouverneur. Le marquis reçut une invitation pour lui et sa fille. Parfois, à la nuit close, on voyait un homme enveloppé d'un manteau sombre, les yeux recouverts d'un chapeau à large bord, sortir mystérieusement par une issue dérobée de l'hôtel et s'engager dans le dédale des rues étroites et désertes, comprises entre la place principale et le bastion d'Ipibarnaba, élevé non loin de la porte du même nom et situé à la partie nord-est de la ville. Arrivé dans un petit passage tortueux, où les rayons de la lune ne descendaient jamais, cet homme s'arrêtait devant une masure décrépite, noire, morne, silencieuse et frappée doucement, après avoir au préalable jeté un coup d'œil de défiance autour de lui, 3 petits coups mesurés. À ce signal, la porte s'ouvrait sans bruit. Le visiteur prononçait tout bas quelques mots et pénétrait dans l'intérieur malgré l'obscurité profonde qui y régnait. La porte retombait et tout rentrait dans le calme. D'après son allure et sa démarche lente, ceux qui eussent épié ce manège eussent pu supposer avec quelque raison que le promeneur nocturne n'était autre que Monseigneur le marquis de Lignières, le père de la belle Ursule. Quoi qu'il en soit, le vieillard ne se rendit pas au rendez-vous nocturne le jour où il reçut l'invitation du gouverneur. À 9 heures du soir, il monta en voiture, toujours soutenu sur le bras de sa fille. Les salons du duc de Nidau étaient resplendissants de lumière et d'éclat. La société réunie était nombreuse, choisie, brillante. Les femmes couvertes de diamants et de fleurs éblouissaient les yeux, enivraient les sens. On dansait, tandis qu'au dehors, le peuple, qui dans ce luxe voyait une insulte à sa misère, à ses souffrances, frémissait de colère et grondait sourdement comme un volcan prêt à faire irruption, prêt à lancer sur les imprudents les laves brûlantes longtemps contenues dans son sein. Cependant, au milieu de ces visages animés par le plaisir, il s'en rencontrait sur lesquels perçait comme à travers un masque transparent une expression menaçante. Bien des sourires essayaient de dissimuler des haines, bien des vêtements brodés recouvraient des poitrines où bondissaient des cœurs dévorés d'un besoin de vengeance. C'est que beaucoup de seigneurs parmaisans, objets de la vénération de leurs concitoyens, dont ils étaient aussi l'espoir, avaient cru sage de détourner tout soupçon en faisant acte de présence à ce bal où leur ennemi les conviait. C'est que la feinte était encore nécessaire pour voiler leur secret dessein de liberté qui n'était point assez mûr pour éclore. On pressait avec une fausse effusion des mains qu'on eût voulu broyer. On souriait des lèvres à des adversaires dont on rêvait la perte. Seules les femmes se livraient sans arrière-pensée aux folles joies de la fête. Un huissier parut sur le seuil et annonça « Monsieur le marquis de Lignières et mademoiselle Ursule de Lignières, sa fille. » Les groupes s'écartèrent afin de livrer passage au gouverneur qui vint recevoir ses nouveaux invités. Il parut frappé de la beauté d'Ursule. Il lui adressa quelques paroles flatteuses et remercia avec aisance le vieillard d'avoir consenti à se rendre à sa prière. « L'honneur est pour nous, » répondit monsieur de Lignières. Le duc avait offert sa main à la jeune fille. Il la conduisit à une place réservée. Le marquis alla s'asseoir auprès d'elle. Ce vieillard cassé, disgracieux, formait un étonnant contraste au milieu de cette foule riche de jeunesse, de vivacité, d'ardeur. On eût dit une chauve-souris égarée parmi un essaim brillant d'oiseaux aux mille couleurs changeantes. Il promenait son œil éternellement moqueur sur le flot mouvant des danseurs souples, gracieux et des légères danseuses. Les couples voltigeaient devant lui. Les robes de dentelle, pailletées d'or, lui jetaient ironiquement des bouffées d'air chargées de parfums, en frôlant ses genoux que les glaces de l'âge avaient pliées pour toujours. De temps à autre, des cavaliers adressaient au vieillard des signes imperceptibles auxquels il répondait par un simple mouvement des lèvres. Il paraissait être d'intelligence avec une partie de cette noble assemblée. Il y avait entre lui et ses hommes des conversations de regard. On se comprenait sans le secours de la parole ni du geste. Le duc de Nidau engagea Ursule à danser. Elle accepta. À la danse succéda une valse. En sa qualité d'allemand, le duc excellait dans cet art d'agrément. Il put faire valoir tous ses avantages. Le cercle s'était élargi pour lui faire place, ainsi qu'à sa valseuse. Tous deux, étroitement enlacés, tourbillonnaient dans l'espace libre, rivalisant de grâce, de souplesse, d'abandon. Quand le gouverneur amena mademoiselle de Lignières à sa place, il se sentait étourdi, ravi, enivré. Le fluide magnétique, le parfum de voluptueuse poésie que la jeune fille recelait en elle, s'était infiltré dans ses veines, avait pénétré dans son cœur au contact de sa main si douce dans la sienne, à l'approche de son sein palpitant sur sa poitrine. Rien de cette scène n'avait échappé au vieillard. Mais il eût été difficile de se rendre compte de l'impression qu'elle produisit sur son âme, car sa figure conservait la même impassibilité railleuse, résultant sans doute d'une contraction des nerfs faciaux. Lorsque les bougies pâlirent devant les premières lueurs du matin, lorsque l'orchestre cessa de faire entendre sa voix magique et que l'heure de se retirer fut venue, le gouverneur reconduisit le marquis et sa fille jusqu'à leur voiture, stationnée à quelques pas du perron. Honneur insigne, marque d'estime bien grande, puisqu'elle constituait une infraction aux lois de l'étiquette, s'il faut respecter en ce temps-là. À partir de cette nuit-là, réellement épris, pour la première fois peut-être, le duc de Nidau mit tout en œuvre pour se rapprocher de M. de Lignières. Il engagea le vieux seigneur français à lui rendre de ses visites amicales, dont les grands peuvent rarement goûter tous les charmes, retenus qu'ils sont, par leur position élevée, dans les bornes d'une politesse cérémonieuse. Il employa tous les moyens pour l'attirer dans son intimité. Le marquis accepta. Il ne voyait rien ou ne voulait rien voir des intentions coupables du duc. Toutefois, de son côté, il ne lui fit pas la même proposition, et si le gouverneur recevait M. de Lignières, il n'était pas admis à l'hôtel de Toscane. C'était vraisemblablement une juste défiance qui dictait cette conduite au vieillard. Il devait avant tout ne pas exposer à des périls presque certains le trésor qu'il possédait, l'ange que Dieu lui avait donné pour le bonheur de ses vieux jours. Ursule était pour lui comme un astre bienfaisant dont il semblait jaloux de concentrer sur lui seul les rayons. Jamais elle ne l'accompagnait au palais du gouverneur. Depuis, surtout la soirée de celui-ci, elle passait son existence dans la retraite. L'unique distraction qu'elle prit était d'attendre parfois son père à la fenêtre, ainsi qu'elle en avait l'habitude auparavant. Loin de s'affaiblir, la passion du duc de Nidau alla en augmentant. Ce caractère impétueux, irritable, devant qui tout pliait, résolu d'obtenir à tout prix celle qu'on prétendait lui dérober. Il écrivit plusieurs lettres à Ursule, elles restèrent sans réponse. Chaque jour, ses tentatives échouaient sans qu'il sût qui en accusait d'Ursule ou de son père, qui peut-être déjouait les projets les mieux concertés. Pourtant le vieillard se montrait invariablement le même, et quant à mademoiselle de Lignières, chaque fois qu'il se montrait sous ses balcons et qu'elle s'y trouvait, elle répondait par un sourire gracieux et doux au salut courtois qu'il lui adressait. En ce moment, les ennuis du duc étaient grands. Une lourde responsabilité pesait sur sa tête. De fréquentes révoltes éclataient dans Parme, qu'il était difficile de comprimer. À l'extérieur, le cordon des troupes autrichiennes qui protégeait la ville contre les attaques de l'armée espagnole éprouvait de notables échecs. Le moral des soldats s'affectait. Une guerre de 7 années répandait le découragement. L'armée impériale se repliait de plus en plus sur la cité insoumise, pressée par les escadrons de Philippe, et cette retraite ranimait l'audace des parmaisans, en leur faisant comprendre que leurs alliés approchaient pour bientôt s'unir à eux. N'importe, au milieu de cette partie décisive, à la veille de l'immense désastre menaçant la cause qu'il avait mission de soutenir, le gouverneur, dominé par sa folle passion, s'abandonnait au transport que soulevaient en lui les obstacles qu'elle rencontrait. Il négligeait les graves intérêts qui lui étaient confiés par son souverain, pour poursuivre un espoir peut-être chimérique.